Quatilla. T'as rien vu. Quatilla. C'est pas vrai. À Pognouaï. Ah, tu m'en mets. À Pognouaï. OVV. Oh, oh, là, là. Le teclier AZERTY est très pratique. Comment la panique? Roma, calapida. Je vais au lit, je pense. J'oublie, tu oublies? Denderesarai. Non. Denderesarai. Non, c'est pas vrai. Che, nasheresarai. Che, nasheresarai, boy. Les carottes, t'as rend aimable. Nasheresarai. Nasheresarai, ta. Aimable. Animandu. La concrétude des faits. Agne mandua. Velouté. De guere coma mandua. Volupté. De coma tapere. Volupté. De coma. De chagbaga. De chagbu. De coma u. Compte de 1 à 3. De ripota. Ripota u. U. T'as déjà compté jusqu'à 3? Ore. Tu sais? Ro u. Ure. J'ai oublié. Ore. J'ai encore oublié ma chaussette. Ure. De. Reju ure. Che. Che. Tu vis à l'anus? Che. L'anus? Non. Che. Aipota. Non, c'est pas bien. Che. Il y a plein de rides. Aipota. Aipota. C'est de la ride. Aipota. Que je veux. Sous les cheveux. Haupei. Haupei. Aipota. Haupei. Ahecha uva. Les souvenirs aussi. Les souvenirs se ramassent. À l'appel. Haupé, aiko, ubature. J'ai plein de copains. Haupé, ayapote miou. T'as beaucoup d'amis, toi? Jaou te miou. Moi, non. Jaou ou? J'aime pas les gens. Jaou ure. Jaha ure. Ils font chier, ils critiquent, ils parlent de. Jaou abu? Je. Abuka ali. Je. Toi et moi. Jaou abu, abuka ali. Je. Ore lo jota. Tu joues au foot? Ore. Le foot. Yawatata. Avec un pied, c'est mieux. Ore. Tchapota tembi u. Moi j'aime bien courir. Et ore. Puis, je fais des petits sauts parfois. Ore oreata. Et puis j'aime bien haleter. Aupe. Soubresaut. Aupe yakaruta. Non, arrête. Comment tu peux dire des choses pareilles? Aupe. Des choses? Comme ça? Tu prends une pomme, tu la coupes en deux et puis tu obtiens de la confiture. C'est pas très bon pour la santé. La santé. Moi je ne m'en fais pas. Les petites misères seront passagères. Moi je m'en fais pas. Je vis en me grattant les fesses. J'aime les fesses. Je sais pas parler aux filles. Je leur touche les fesses. J'aime toucher les fesses. Non, comme ça. Anga. Voilà, non. Bah, allez. Hi-a. Anga. Allez. Et j'ai mis. J'ai oublié. Le temps perdu ne se retrouve plus. Mais compte pêche. Ma mamie me disait. Je veux des calinous. Bah, vendo de quando revi. Mais caresse-moi, qu'est-ce que tu fais? Pas, et je passe même, pêche. Tu m'emmerdes. Pêche. Ça fait chier. Silence!